Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est 21h01, nous sommes le 9 septembre 2021. Vous écoutez donc Radio Radio et c'est l'heure de vraiment autre chose. Vraiment autre chose, la petite émission musicale d'obédience progressive, votre camarade de tous les jeudis soirs. Ce soir, c'est la 181e édition. Et on est surtout hyper content et hyper joyeux ce soir, car nous avons une bonne nouvelle. Vous nous écoutez sur Radio Radio, là, sur 106.8. Mais peut-être que vous nous écoutez dans les podcasts, il y a pas mal de façons de nous écouter en différé. Et surtout, et aussi c'est la grande nouveauté qui fait ma joie, peut-être que vous nous écoutez sur Bram FM du côté de Brive et de Tulle. Puisque maintenant, Bram FM rediffuse vraiment autre chose un vendredi soir sur deux à partir de 22h30. Donc voilà, on est hyper content, on a des nouveaux auditeurs, des nouvelles auditrices qui vont découvrir vraiment autre chose ce soir. Ça fait plaisir, d'ailleurs du reste même peut-être que sur Toulouse, comme c'est la rentrée, voilà, peut-être que vous ne connaissez pas ce programme, vraiment autre chose, c'est la petite émission musicale d'obédience progressive, on est une bande de copains et de copaines, et selon l'actualité, on reçoit des fois des musiciens qui jouent en live dans nos studios, qui nous présentent leurs derniers albums. Comment définir vraiment autre chose ? Comme son nom l'indique, on s'intéresse aux musiques qui sont un peu entre les genres, aux musiques inclassables, aux musiques surprenantes, aux musiques bizarres, ou comme dit très bien notre camarade Nico, aux musiques inconventionnelles. Je vais le laisser expliquer ça tout à l'heure. Voilà, petite émission musicale sans prétention. Voilà, l'idée c'est vraiment on n'est pas des musicologues, mais on va juste vous faire partager des coups de cœur, soit récents, soit passés. Et pour ce faire, eh ben, je suis pas seul. Moi, je me présente, moi c'est Manu, et surtout j'ai des camarades avec moi à l'antenne pour mon plus grand plaisir. À commencer par celui qui est tellement représentatif de la joie et du bonheur qu'on n'arrive pas vraiment à trouver les mots pour le décrire. Donc à l'ineffable Guénolé, qui est avec moi dans les studios. Salut, moi c'est Guéno. Bonsoir Guéno. Bonsoir tout le monde. Guéno qui est un peu la caution, la caution trans, la caution orientale, la caution krautrock, même s'il prend un malin plaisir chaque semaine à dire que ce terme est galvaudé. Mais voilà, c'est un peu cette caution-là de l'émission. Pour ceux qui le découvrent, il y a en face de moi Stéphane, cofondateur de Vraiment Autre Chose et qui est en quelque sorte la caution jazz de l'émission. Ah ben d'accord, ok. Ça te va ? Bonsoir, ça m'ira très bien, j'ai apprécié ce septième diminué dans le Scrappling Apple de Miles Davis, donc c'est parfait. Et du coup Manu, à quand un camarade de présentation qui serait la caution rap ? Eh ben écoute, t'as vu, c'est moi. La semaine dernière, à votre place, il y avait Noé, qui était la caution ex-coloc. Du coup, je sais pas si c'est une histoire de caution quand on est coloc en général. Et qui lui a passé du MC Solar, tu vois, comme quoi. D'accord. Je l'ai pas présenté. C'est la caution de tellement de genres genres musicaux que ça va être compliqué de les décrire tous. C'est même la caution de mon appart, c'est dire. J'allais présenter donc le dernier camarade que j'ai pas présenté. Lui, il est carrément en direct depuis l'Outre-Quiévrin. Il présente l'émission Mauchreil, c'est la connotation prononciation en allemand et en langues étrangères notamment de l'émission. C'est notre camarade le plus érudit en ces musiques-là et le plus expérimenté en radio. Je crois que ça fait 20 ans que tu fais de la radio du côté de Radio Panique à Bruxelles. C'est l'incroyable, l'imprésentable Nico. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Une petite correction, c'est pas 20 ans, c'est dans 2 mois, 30 ans. Ouah, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et ben voilà, pour les auditeurs et auditrices qui nous découvrent sur Bram FM ou pour ceux qui prennent cette émission et qui n'ont pas l'habitude de l'écouter, voilà, je vous ai présenté les camarades. On n'a pas vraiment d'habitude. Si, d'habitude, on parle un peu de l'actualité musicale, des derniers albums sortis, on a souvent des invités. Mais là, ce soir, on continue notre série de hors-série qui s'appelle donc Au pied de la lettre. Et il s'agit de la Nurse with One List. Alors, je vais remettre un peu dans le contexte pour tous ceux qui prennent cette émission pour la première fois. On est en 1979 quand le trio Nurse with One sort son premier album, Chance Meeting on a Dissecting Table of a Sewing Machine and an Umbrella. Et cet album qui fera date pour la musique qu'elle contient, mais aussi pour ce qu'il y a à l'intérieur de cet album, à savoir une grande, grande liste des influences qu'ont influencé les musiciens. Il y a 300 noms en tout. On va retrouver des musiciens assez connus et reconnus comme King Crimson ou Frank Zappa, Captain Beefheart par exemple. Et aussi beaucoup, beaucoup de groupes obscurs qui auraient sans doute peut-être pas passé cette époque-là et qu'on connaîtrait peut-être pas de nos jours sans cette liste. Cette liste, ils l'ont composée, ces musiciens, parce que ce sont des grands fans de musique expérimentale, de musique étrange, de musique bizarre, voire inconventionnelle. Et donc, ils collectionnaient les vinyles depuis les débuts des années 70, donc peut-être 9 ans de collection, 9 ans à aller chiner, fureter chez les disquaires. Tiens, cette pochette est étrange, qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Bonjour monsieur le vendeur, est-ce que vous pouvez me conseiller quelque chose d'un petit peu expé, d'un peu bizarre? Et voilà deux musiciens qui se sont constitués une discographie assez impressionnante et qui n'est pas seulement une discographie, qui est aussi leur raison de faire de la musique, puisqu'ils le disent eux-mêmes quand ils sortent ce premier album: nous ne sommes pas des musiciens, pas besoin d'être musicien pour faire de la musique, il suffit de savoir écouter. Eux ont beaucoup écouté, et cette liste, au fil du temps, je dirais qu'une dizaine d'années plus tard, cette liste devient une espèce de saint graal des collectionneurs de musique étrange et expérimentale et tous les adjectifs que j'ai pu sortir tout à l'heure. Et dans les années 90, c'est la grande manie, cette liste. Les disquaires sortent, mettent des bacs spécial Nurse with One List. Pas mal d'albums sont réédités parce qu'ils ont fait partie de cette liste-là. Et c'est devenu, et c'est resté une espèce de grande référence. La BBC a consacré une émission de 4 heures, Odeon Grid to Nurse with One List. Nous, on a décidé de consacrer, on ne sait pas pour combien de temps on en a, probablement une cinquantaine d'émissions de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, pour vous présenter et découvrir nous-mêmes et découvrir avec vous tous les membres de cette liste. Voilà. Pour ceux qui prennent cette émission pour la première fois, en général, je parle beaucoup, mais je vous promets qu'après, il y a beaucoup, beaucoup de musique et les camarades ont aussi beaucoup de choses à nous faire découvrir. On va faire la lettre E ce soir, mais néanmoins, Nico, c'est toi qui prends la parole pour un petit rappel et une remise en contexte d'un artiste dont on a parlé dans l'émission précédente. Oui, tout à fait. Il y a un petit addendum que je voudrais ajouter à Wolfgang Donner, qui a déjà été largement couvert dans l'émission quelque peu jazzy de la semaine dernière, comme nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises dans cette série de la Nurse with Wound List. Nous savons que Stephen Stapleton utilise assez souvent des fragments qu'il a découverts dans sa collection de disques. Il s'agit souvent de courts fragments intégrés à sa musique, souvent peu reconnaissables, mais parfois elles deviennent des morceaux très reconnaissables, comme le morceau My Man's Gone Now, qui provient de l'album The Omelet de Wolfgang Donner Quintet, sorti en 69. C'est le premier 10 secondes qui a laissé une grande impression sur Steve Stapleton, au point qu'il a utilisé pour son 12 pouces Color Tamoun. Il utilise ces 10 secondes pour faire une pièce de 5 minutes 40 ou 7 minutes 30, qui vous avez bien entendu, il n'est pas clair qu'il doit être joué sur 45 tours par minute ou 33. Ce n'est pas mentionné sur le disque. Sur les 33 tours, ça sonne très bien, mais sur 45 tours, ça sonne comme là où il est appris. Vous pouvez trouver une discussion à ce sujet sur différentes plateformes. Pour moi, la bonne vitesse n'a pas d'importance. Les deux sonnent très intéressants. Je vous propose de jouer les 3 morceaux l'un après l'autre afin de bien entendre la différence et aussi pour clôturer le chapitre par la lettre D. On écoute ensuite Wolfgang Donner Quintet avec le morceau My Man's Gone Now. Ensuite, on écoute la pièce de Nurse with Wound, Color Tamoun, sur le 45 tours. Et ensuite, le même morceau, mais en 33 tours. Voilà. We'll be right back. Thank you. Thank you. C'est vraiment autre chose. Donc, addendum de la semaine dernière où Tony nous avait présenté l'œuvre de Wolfgang Dauner. Cette fois-ci, c'est Wolfgang Dauner revisité deux fois par Nurse Wiswund. Et c'est notre ami Nico qui vient de nous faire découvrir ça. C'est hyper chouette. Je trouve qu'on démarre en beauté. Je pense aussi. Et qu'on voit clairement qu'ici, il n'y a plus le jazz qui est intégré dans le morceau. Tu vois, le morceau initial, c'est vraiment orienté vers le jazz, mais ici, ça va dans des autres directions, qui est vraiment le style de Nurse Wiswund. Effectivement, ouais. C'est clair que... Tu m'entends, du coup ? Oui. On a fait un test micro, entre-temps. Oui, non, effectivement. Le premier morceau, j'avais l'impression d'entendre une BO un peu de Lalo Schifrin, là. Je trouvais ça excellent, très bon pianiste. Et autant la deuxième version était proche dans la mélodie, autant la troisième... On le reconnaît plus du tout, quoi. Ouais. C'est très déconstruit. Très intéressant. Et je pense que c'est très intéressant de voir comment on peut écouter le même morceau sur deux vitesses différentes et que ça transforme dans une autre manière d'écouter la musique. C'est une autre atmosphère qui se crée. Ouais, clairement. Il n'y avait pas un groupe là comme ça, anglais qui avait sorti un album, là, Xy, je sais pas, j'ai oublié le nom, là, le nom m'échappe, mais... Alors, avec Xy, il y en a plein. Ouais, et qui avait fait un album qui s'écoute en deux lectures. Mm-hmm. Composé en deux lectures. Un groupe anglais un vieux groupe, bon bref. Je sais que Crimson avait fait un morceau qui était joué à l'endroit, à l'envers, sur un album, je sais plus lequel, avec Vroom, Vroom, Vroom et Vroom Koda, enfin une histoire comme ça, mais... C'était Boris de The Unknown Project qui nous avait parlé de ce groupe. Vous étiez là tous les deux, oui. Il y a 5-6 ans. Oui, j'avoue, il y a même 20 ans. Très connu, hein. Mais bon bref. D'accord. Ouais, il y a des groupes qui ont sorti aussi des 33 tours avec deux sillons complètement parallèles et qui passaient le diamant passant aléatoirement de l'un à l'autre. Mais je ne sais pas si c'est ça dont tu veux parler. J'avoue, je sèche. Ça me dit quelque chose, mais là, tac. Qu'on a eu à un moment ce délire de faire des morceaux récap, le morceau qui commence, l'album qui commence comme il a fini. Ouais, exact. On avait fait ce genre de délire et c'est vrai que ça devait partir de cette histoire avec Boris de Unknown Project. Il y a toujours Boris derrière. Ce soir, donc, c'est toujours la suite de notre tentative d'exploration radiophonique de la Nurse Wiswund List. C'est la 15e édition de ce Au pied de la lettre. Et ce soir, donc, on passe à la lettre E, après ce petit rappel de la lettre D et de l'œuvre de Wolfgang Dauner et de sa musique revisitée par Nurse Wiswund. Ce soir, on va parler de la lettre E. On va parler principalement, on va avoir 4 groupes allemands ce soir au menu, plus un groupe français. C'est les camarades qui vont présenter ça. Et c'est Guéno qui démarre, qui inaugure la lettre E avec MTD. Ouais, tout à fait, MTD, donc un groupe allemand, mais pas que. C'est un duo avec une chanteuse canadienne, Dolly Holmes, et un guitariste, flûtiste, un peu bidouilleur aussi, Mike Hirschfeld. Donc voilà, ils ont fait un premier album là, que j'ai réécouté tout à l'heure, qui est vraiment très folk, très, très posé, duo, garçon, fille, elle avec une voix très haut perchée, qui fait les petites guitares très mélodieuses, tout ça. Et un second album qui est le plus connu, où là il y a vraiment un petit changement de ton, avec notamment le mélotron qui rentre en scène, et c'est Dolly Holmes qui va incorporer le mélotron. Donc cet instrument polyphonique de l'époque, donc voilà, donc du coup ça change, ça donne vraiment une couleur un peu plus SF, un peu plus atmosphérique, beaucoup moins folk, mais toujours avec les moments folk, où c'est Dolly Holmes qui va chanter très haut perché et ce monsieur Mike qui va faire la guitare, j'ai lu ça, de la folk pastorale, voilà, la folk pastorale. Et du coup, j'ai choisi... J'en ferai. Oui, tout à fait. Merci de le préciser. Bah ouais. Mais oui. Et du coup, donc, j'ai choisi un morceau de ce premier album qui est éponyme, qui s'appelle MTD. Donc E-M-T-I-D-I. Je vous avoue, je n'ai même pas cherché d'où venait ce nom, ce terme. Tu tapes ça sur un moteur de recherche, tu tombes sur le groupe. Non, je sais pas si c'est une invention ou pas, mais je n'ai pas vu en tout cas de, je sais pas, de définition, de traduction comme ça à portée de main. Et donc le premier morceau donc s'appelle Let the Joint Go Round. Donc voilà. Donc on peut dire que le titre annonce un peu la folk pastorale. Okay. Bon, ben on va laisser tourner le joint alors avec MTD. Donc voilà, c'était le morceau Let the Joint Go Round, pas around mais round, donc qui va en cercle. Et donc c'était pas le morceau le plus folk que tu, ça c'est vrai. Enfin, toi, ça t'a évoqué. Ça m'a évoqué Led Zeppelin, les Led Zeppelin 2, 3 là particulièrement, et ces ambiances avec guitare accordée. Je sais pas si c'est en ré ou peu importe, mais Oui, ça me rappelait le Led Zepp Battle of Evermore et Led Zepp 3. Mais ça, c'est pas pareil, c'est pas la même musique, mais c'est un peu certaines ambiances. Ouais, ça joue, quoi. C'est sympa. Voilà, dans le reste de l'album, essentiellement, ce sont des chansons qui sont quand même très folk, très plus classique folk, qui rentrent un peu moins dans la veine, dans ce dont tu parlais, Stéphane, pardon, justement. Oula, mais je sais pas, je suis en mode allemand là. Parce qu'on est sur la lettre E, donc tu t'as décidé de faire une espèce de péréquisation et de la noter du prénom de Steph. La disparition. Voilà, c'est ça, la disparition. Ouais, pour dire Stéphane, il y a quand même un mot avant, c'est compliqué. Et du coup, pour la suite, c'est un morceau qui est un peu plus long, qui dure 12 minutes. Qui s'appelle Touch the Sun. Donc, là, on atteint plus l'épiphanie. Mais c'est là où c'est le second album, donc Saat, S-A-A-T, qui est le classique, quoi, l'album qui les a fait connaître et ce pourquoi ils sont reconnus. Et là, on peut entendre du coup le mélotron dont je vous parlais au début, les claviers, le côté plus un peu science-fiction, un peu plus. On est un peu plus hors du temps, les pâquerettes frôlent les astres, et avec une intro notamment comme ça qui pourrait évoquer, je sais pas, peut-être un générique de film, et une fin pareille. Et avec au milieu une petite, un petit retour aux sources. Donc on se laisse écouter ça, Touch the Sun, du second album de MTD, Saat. C'est pas Sarah? Thank you.

Voilà donc ce morceau Touch the Sun du second album MTD, donc voilà, qui est vraiment autre chose par rapport au premier morceau, au premier album, qui est vraiment très folk, où il n'y a pas l'arrivée de toute la modernité des années 70. Non, oui, Ça devient presque cosmique. ah, Oui. carrément. Totalement. C'est l'arrivée des synthés Mini Moog. Ils ont tous fait des morceaux avec la relation avec l'espace. C'est les années 70, quoi. Et c'est après, C'est c'est vrai l'après que 2001. c'est vrai que j'ai lu aussi que cet album, donc ça reste un duo. Quand on l'écoute, ben on a bon, c'est sûrement dû au mellotron, mais on a l'impression vraiment que c'est rempli, c'est plein, enfin, c'est très bien enregistré. Voilà, pour un duo, enfin, voilà, la folk là est vraiment étoffée. De tout cet attirail nouvellement acquis. Ouais, et ouais, ça, ils occupent bien l'espace, donc ils se Exactement. font les porte-paroles musicalement aussi, c'est vrai. Nico, t'en penses quoi de tout ça? Sais pas si tu m'entends, parce que... Allô? Oui, on t'entend Oui. très bien. Ok. Ouais, c'est un peu cosmique, et ouais, c'est pas directement mon truc, mais... Ok, et ben, je dirais pas que c'est non plus directement mon truc en fait, mais c'est aussi un des avantages de cette exploration radiophonique, c'est qu'on découvre pas mal de sons, de choses qui ont été faites. On n'a pas, voilà, on voulait vraiment pas censurer quoi que ce soit. Tout ce qu'on passe nous emballe pas toujours, mais on trouve ça quand même plutôt chouette de d'écouter, de se plonger un peu dans la façon de faire de la musique à une certaine époque. Et pour le coup, c'est pas du crotrock, on en a eu et puis on risque d'en bouffer encore un petit peu, toi, du crotrock dans Ouais. cette Nurse Wound. Et c'est vrai que bon, là, faut dire que ça a l'avantage ou le plaisir de sortir de ces longues plages de guitare, batterie, tout ça, tout ça, tout ça. C'est vrai, une autre façon d'être psychédélique. Ben, ça tombe bien, je vais faire le lien avec ça parce que le groupe que je dois présenter, n'est-ce pas, monsieur? C'est bien moi, c'est ce que tu allais dire, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Mais Superbe transition, c'est ouais, magnifique. donc le groupe que je présente, donc le groupe Ex Magma, on est dans de toute façon, tu l'as dit, c'est quatre groupes allemands. Alors, tu parlais de krautrock, et moi, j'étais envie de te dire pourquoi pas du pudding rock à propos du rock anglais. On pourrait dire les Beatles, les Kings, mais aussi les Pink Floyd et pourquoi pas Led Zeppelin et Black Sabbath, c'est du pudding rock. Ils ont rien à voir les uns avec les autres, mais ils sont anglais, donc bah, c'est du pudding rock. Les Anglais nous méprisaient tellement qu'ils n'ont même pas osé appeler le rock français le frog rock, mais ça aurait été très sympa de leur part. Et donc bah, le krautrock, c'est un peu ça, quoi, une marque de reconnaissance, mais quand même dédaigneuse de la qualité du rock allemand, quoi. Et là, avec Ex Magma, ben, quand on dit krautrock, moi, j'ai trouvé ça assez étrange, puisque à la première écoute, moi, j'ai plus trop trouvé que c'était du Canterbury Rock, qui est anglais d'ailleurs, pour le coup. C'est plutôt jazz, mais c'est pas jazz, comme on a entendu tout à l'heure, Wolfgang Downer. C'est très éclectique. Il y a du Canterbury, on peut entendre des ambiances psychées limite The Doors, puisqu'on retrouve les mêmes instruments de clavier, cette prépondérance, puisque c'est aussi un trio musical, il n'y a pas de chanteur. Mais aussi du Frank Zappa, parce qu'ils ont un gratteux qui est quand même pas mauvais et qui aime bien triturer sa guitare pour sortir autre chose que du blues ou des solos interminables. Donc voilà, on peut y trouver aussi ces ambiances à la Pink Floyd et ces ambiances jazz, voire un petit peu world par moment. Il faut bien avouer que c'était l'époque aussi où on découvrait les Indes, la musique africaine. Donc sans que ce soit très marqué, on peut l'entendre par moment et voir évidemment du free et cette musique atonale. Alors Ex Magma, c'est un groupe qui s'est formé en opposition après un trip à l'acide. Il s'est formé en opposition à LO, Supertramp, Yes, Genesis, ce genre de groupe de prog symphonique grandiloquente, ras-le-cul, on est trois. Et on va faire du rock prog, hein, puisque c'est comme ça que vous l'appelez. Mais comme on aime la choucroute, on va rajouter Kraut devant. Et c'est parti. Trois musiciens, Thomas Balouf, ou Baluf, je ne sais pas comment on prononce en allemand, qui jouait de l'orgamonde précédemment dans un groupe à tendance mod rock, un petit peu groove, un petit peu british, et on fait reluire les chaussures et c'est parti, on danse. Donc, très très bon musicien qui groove et qui a une grande connaissance effectivement de ces musiques jazz. Dans Ex Magma, il va jouer du clavinet, du piano électrique, des orgues, enfin tout ce qui lui passe sur la main, sous la main, et avec quoi on peut faire des effets. Il y a aussi Andy Goldner à la guitare ou à la basse, et parfois à l'alto sax. Lui vient d'un groupe toujours pareil, Esprit Mod, les Yardbirds, Pretty Things, etc. On est en Allemagne et on monte des groupes de reprises. Et il trouve en chemin Fred Braceful, un batteur afro-américain, qui atterrit en Allemagne et qui fait le sideman, c'est-à-dire il propose ses services à un petit peu tout le monde qui a envie de jouer du côté de Croix de Stuttgart. Il finit par rencontrer justement Wolfgang Dauner, le gars kebab là, qui faisait pas mal de trucs hippie, etc. Et donc, en avant, on forme un groupe tous les trois et on va pas mélanger toutes les musiques qui nous influencent, mais on va faire un morceau funky, on va faire un morceau groove, on va faire un morceau planant, on va faire un morceau psyché. Et c'est parti. Donc, il y a à boire et à manger dans ces deux albums. Et on va s'écouter un morceau qui s'appelle Two Times, qui est donc sur le premier album, qui est éponyme, Ex Magma. Je vous expliquerai pourquoi il s'appelle Ex Magma juste après. Alors, j'ai choisi ce morceau parce que ça ne ressemble pas du tout à Magma, la musique de Ex Magma. Mais celui-là m'a rappelé un peu le magma de Kobaya, de Ria Sailtak. Voilà, donc je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant, on va mettre celui-là, il est sympa. Là, je me suis fait piéger par le fade out. Pourtant, Dieu sait que j'aime. J'adore ce procédé de studio, mais là, voilà, je me suis laissé avoir. C'était super bien. Eh ben voilà. C'est donc Ex Magma. Ouais, c'est plutôt chouette. C'est des très bons musicos, comme je disais. si vous aimez ce genre un peu éclectique, il ne faut pas hésiter. Il y aura de quoi se faire sur les deux albums une très jolie compile. Si vous n'aimez pas tous les morceaux. Donc, c'est ça qui est bien avec ces groupes qui ont fait que deux albums. On peut en tirer une certaine quintessence. Je ne dis pas que c'est ce que j'ai fait avec cette playlist, mais je vous ai réservé trois autres morceaux de l'album suivant, de Gold Ball, de 1974. Alors, pourquoi il s'appelle Ex Magma ? Ben, tout simplement parce qu'il s'appelait Magma, jusqu'à ce qu'on vienne leur dire, donc c'est 71, 72. Le groupe Magma n'est pas encore très connu. Il commence à se faire connaître, mais c'est pas encore le groupe de légende. Et donc, on leur dit, il y a un groupe français là qui tourne pas mal et qui s'appelle Magma. Bon, ben, écoute, on va s'appeler Ex Magma, quoi. Et du coup, ben, Ex Magma. Très, très simple, ça chipote pas. On prend un acide, on décide après le trip qu'on va faire la nique à Electric Light Orchestra, etc. Et puis là, ben, Ex Magma et en avant. Et comme c'est bien en avant, un bon titre comme on les aime, Marilyn F. Kennedy. Je ne sais pas si Ministry n'aurait pas sorti un truc comme ça, ou les Dead K aussi. Voilà. Le titre, il est très bon, le morceau est très bon. Ça groove bien, ça résume un peu tout ce que je vous ai dit un petit peu sur ce groupe. Et c'est le morceau qui ouvre l'album Gold Ball. Voilà, moi j'appelle ça du rock bien déjanté, quoi. C'est ou du jazz bien barré. Ça groove sévère, on sent qu'il y a trois icos de malade. Et on a l'impression qu'il y a une guitare alors que le type il s'est saturé son clavier, il fait ses nappes d'un côté, il imite le son de la guitare de l'autre, ils font des solos chacun de leur côté. Voilà, ça c'est ce côté très technique de la musique progressive. Donc, de ce côté-là, et je comprends qu'il fasse un doigt d'honneur au Chris Squire et autres musiciens de Yes. Mais derrière, ça groove. Comme on les comprend. Putain, ce batteur-là, il envoie du steak. Le bassiste n'est pas là à empiler les notes pour rien. Il continue de garder son tempo. C'est dans le groove. C'est très bon, quoi. Voilà. On continue avec cet album. un autre morceau, voilà, comme je vous disais, il y a à boire et à manger. 25 secondes before sunrise, en anglais 25 seconds before sunrise. Et c'est un peu autre chose. Thank you. Voilà, c'était donc 25 seconds before sunrise, tu vois. Là, c'est 25 secondes avant le lever du soleil. Il n'y a pas question d'y aller directement, comparé à ton groupe de tout à l'heure. Ouais, voilà, moi j'ai trouvé que ça sonnait Frank Zappa un petit peu, ces blues très longs posés sur Hypnotique et puis en avant, ces effets de wah-wah. Ça fleure bon les 60s, un peu moins groovy que tout à l'heure, mais voilà, toujours un sacré batteur. Moi j'ai retenu ce Fred Bresfoul, très très bon. D'ailleurs, tous les autres musiciens. On va terminer avec Groove Tango, alors je ne sais pas comment on le prononce, Valparaiso. Valparaiso. C'est un morceau assez free et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Vialka en écoutant ce morceau. Point. Ça ne veut pas dire que ça y ressemble. D'ailleurs, je dis Vialka, il n'y a que nous trois, peut-être, chers auditeurs, auditrices, j'espère que vous connaissez ce groupe qui est génial. Mais voilà, ça m'a fait penser à Vialka, donc j'ai dit, ben, je mets ce morceau. Ah, parce que c'est un peu free pour moi, mais je ne sais pas. Tu me diras. Il est 22h16 sur Radio 106.8 si vous nous écoutez en direct. Si vous nous écoutez sur les podcasts de Radio, sur le Mixcloud de Radio, sur le Mixcloud de Vraiment Autre Chose ou sur le blog de Vraiment Autre Chose, tout ça vous le trouvez en tapant des recherches ou des moteurs de recherche. Haut et fort. Haut et fort, exactement. Et ben, si vous faites ça, et ben, vous tombez sur nos blogs, tout ça, tout ça. Vous pouvez réécouter toutes nos précédentes émissions. J'ai les 180 précédentes, et là, c'est la 181e. Mais aussi, peut-être que vous nous écoutez, qu'il est peut-être 23h30 du côté de la Corrèze, et que vous nous écoutez sur Bram FM, ou peut-être en ligne sur Bram FM, ou sur les ondes FM de Bram FM. Voilà, plein de moyens de vous écouter. En tout cas, il est 22h17 pour ceux qui nous écoutent maintenant en direct sur Radio. C'est génial, là, ce que tu as fait. De vous m'écouter à 23h30 en direct, c'est-à-dire que tu as calculé le temps de l'émission, à quelle heure ça serait diffusé, quand tu diffuserais ce speech. Ben, je vais l'écouter demain en direct sur Bram FM, rien que pour que tu me le dises en direct, alors que tu l'as dit dans le passé. Ouais. Bref, tout ça, c'était Ex Magma. Alors, je ça se tient, ça se tient. Ok. Jusque là, je suis. Tout ça, c'était Ex Magma avant de partir en sucette. Et donc, on a écouté l'album éponyme de 1973 plus Gold Ball. Et je tiens à rappeler les musiciens. Thomas Baleuf à l'orgue, aux clavinettes, à tout ce que vous voulez, qui fait des sons de guitare. Andy Goldner à la guitare, à la basse, il fait des super solos de basse, et à l'alto sax, très free. Et le fabuleux Fred Braceful, qu'on devrait appeler Graceful, tellement il est gracieux, il est bon, à la batterie. Donc voilà. Très bien. Eh ben merci, c'était Ex Magma. Vous en prie. Et maintenant, sans transition, la parole est à Nico. Oui, on est... Tu m'entends maintenant ? Ouais, oui, nickel. Tu t'entends très bien. Ok, super, super. Donc maintenant, on va... vers l'année 71 où que Claude Achard et Guigaud Genevier commencent de jouer ensemble. Claude a proposé le nom d'Étron Fou, puis Chris Chanet les a rejoints au saxo alto, puis quelques mois plus tard, Alain Courby les accompagne. Attends, hein, parce qu'il y a... Ouais. Alain Courby a également rejoint le groupe. Ils ont rejeté quelques mois, tous les quatre. Puis, pour certaines raisons, ils ont arrêté pour jouer. Chris a demandé à Ferdinand Richard s'il voulait continuer le groupe avec eux, c'est-à-dire avec Guigaud. Et entre, c'est alors que Étron Fou a vraiment commencé. Peut-être que le nom Chris Chanet le dit quelque chose. Il était membre de Urban Sax de Gilbert Harmon durant l'enregistrement de leur premier album. Et tu nous avais fait écouter ici même, il y a une dizaine d'émissions de ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, mais pas sur cet album-là, parce qu'il était justement sur le premier album et pas sur le deuxième album que nous avons entendu. Donc, mais c'est assez entre parenthèses, parce qu'il a justement joué sur le premier album et pas les autres. Du coup, excuse-moi de te couper, ouais, ça ouais. S'appelle Étron Fou le loup blanc dès le début. Du coup, tu dis Étron Fou, des fois, je me demandais. Non, Étron Fou, c'était le duo. Et c'est après qu'ils ont ajouté le loup blanc. C'est Ferdinand Richard qui a ajouté le nom le loup blanc parce qu'il trouvait que Étron Fou un peu exagéré d'un côté. Et donc, il dit OK, pourquoi pas ajouter le loup blanc qu'ils. Un peu pour rire, parce que le loup blanc, ça veut dire quand même être très connu. Et donc, c'est un peu un rigolo qui a ajouté ça dans le nom du groupe. Ils ont enregistré 5 albums studio entre 76 et 85 et ont sorti 2 albums live, en public aux États-Unis d'Amérique, enregistré lors d'une tournée là-bas en 79. Et Étron Fou le loup blanc est surtout connu comme l'un des 5 groupes originaux de Rock in Opposition qui se sont produits lors du premier festival Rock in Opposition à Londres en mars 78. La musique de Étron Fou le loup blanc était décrite comme le mélange de punk rock, de jazz, de musique française, de satire comique et de grabuche avant-gardiste. Leur premier concert a eu lieu le 27 décembre à 73, en première partie du groupe de rock progressif français Magma. On a justement entendu encore le nom Magma. Étron Fou le loup blanc rigolait toujours avec leur nom. Et donc, ils ont aussi créé un morceau, L'Amulette et le Petit Rabbin, qui était sur leur premier album. Et c'est justement une satire sur Magma. Mais on ne va pas écouter ça. Et donc, Guigaud Genevier se souvient aussi très bien qu'il avait déjà joué son solo de batterie, solo Brigida, après le premier set. Je suis un peu mélangé des choses. C'est pas grave, il y a de quoi être ému. C'est vraiment un groupe mortel, Étron Fou le loup blanc. C'est comme tu disais, 6 albums, mais vraiment 6 albums avec une personnalité de fou, puis des musiciens avec une super belle personnalité, des textes assez incroyables, écrits pour la plupart par Ferdinand Richard. Et pardon, je voulais te transmettre mon enthousiasme. Voilà, tu as tout à fait raison. Et donc, en 73, en 73, le 27 décembre. Donc, ils ont donné un concert, en première partie du groupe de rock progressif français Magma. Guigo Genevier se souvient aussi très bien qu'il avait déjà joué son solo de batterie, Solo Brigada. Après le premier set de l'après-midi, ils ont joué deux concerts. Giorgio Gomelski, qui était le manager de Magma, est venu de voir Guigo et lui a demandé s'il avait sérieusement l'intention de rejouer son solo de batterie le soir, ce qui signifie qu'il a dit Christian Vander avait fait un très long et impressionnant solo de batterie. Tu ne seras pas assez arrogant, j'espère, pour jouer ton petit solo stupide devant le maître. Et sa réponse a été, bien sûr, je vais le rejouer. Et donc, c'est ce qu'on va écouter maintenant. On va écouter ce morceau qui vient de ce premier album qui s'appelle Solo Brigada. Et le titre de l'album, c'est Batelage, qui était sorti en 76. Excusez-moi, c'est bien un morceau hommage à Lolo Brigida. Oui, j'allais carrément dire ça, Steph. Ouais, c'est Sololo Brigida, le nom du titre. Et oui, effectivement, c'est un C'est hommage à l'actrice italienne. Gina Lolo Brigida, ouais, carrément. Ouais. Alors c'est parti, donc tiré de l'album Battelage. Solo Brigida, donc solo de Guigou Chenevier, le batteur le batteur de Étrons-Fous, le Loup Blanc. Et ça apparaît dans le premier album d'Étrons-Fous, Battelage, un album qu'ils ont enregistré chez un copain sur un 4 pistes, en mode complètement DIY de l'époque. Du reste, c'était une bande de petits démerdards, si j'ose dire, enfin, qui bricolaient avec les moyens du bord, sont partis vivre dans une communauté en Ardèche, les musiciens, plus les compagnes, les compagnons, tout le monde, sont restés là-bas pour à la fois faire de la musique et cultiver la terre. Un peu plus tard, je crois qu'ils finissent par se réinstaller en ville quand le groupe commence à avoir un peu de renom, et puis enregistre son deuxième album. C'est ça dont tu voulais parler, Nico, je crois. Tout à fait. Donc, et c'était aussi en novembre 76 où qu'ils ont vraiment changé de nom comme en Étrons-Fous, le Loup Blanc. Donc justement quelques mois avant qu'ils ont enregistré ce premier album. Et donc vers la fin de 77, il y a Francis Grand remplace Christianet au saxo. Et le trio enregistre son deuxième album, le 3 Fou Père des Jarons, au Pays de. Et c'était en mars 78, à l'invitation du groupe de rock d'avant-garde anglaise Henry Cow, Étrons-Fous, le Loup Blanc rejoint Rock in Opposition et se produit au premier festival de Rock in Opposition à Londres avec 4 autres groupes, c'est-à-dire Henry Cow, Stormy Six, Zamlas Mamas Mana et le groupe belge Univers Zéro. Et aussi ainsi que le deuxième Rock in Opposition à Milan en avril 79, organisé par le représentant italien de Rock in Opposition Stormy Six. En novembre 79, Étrons-Fous, le Loup Blanc effectuait une tournée aux États-Unis et les présentations au Squat Club de New York et au Trinity College de Hartford sont enregistrées et publiées sur un album live en public aux États-Unis d'Amérique. Ils ont résulté un troisième album et en public États-Unis d'Amérique, qui consiste en des versions live et des chansons de leurs deux premiers albums. Et Étrons-Fous, le Loup Blanc devient. Petite reprise de Boris Vian pour conclure. Non, c'est live aux États-Unis d'Amérique. Ouais. Et donc, Étrons-Fous, le Loup Blanc devient un quartet en 80 avec Bernard Mathieu, qui remplace Grand au saxo et ajoute de multi-instrumentiste et chanteur Yo Tyrion. Au milieu de l'année 80, le groupe enregistre avec l'ancien guitariste Henry Cow, Fred Fris, en France et en Suisse, et apparaît sur une face de l'LP de solo de Fred Fris, Speechless, en 81. Nous allons maintenant écouter un morceau du deuxième album de Étrons-Fous, le Loup Blanc. C'est le morceau L'extravagant montée des ascenseurs. Nous resterons fidèles à notre calme détermination. Et ça vient de l'album Les Trois Fous Père des Carillons au Pays de, qui était sorti en 78. C'était Étrofou le loup blanc à l'instant sur, sur Radio Radio. Le titre, Nico ? C'est un titre, l'extravagant montée des ascenseurs. Nous resterons fidèles à notre calme détermination. Et ça pour un morceau où il n'y a pas de, de texte dedans. Donc, c'est... Ouais, ils ont mis tout le texte dans le titre. Ouais. Ouais, carrément. Ouais, c'est hyper bien ce morceau. Ça fait plaisir d'écouter du Étrofou le loup blanc. On avait consacré, nous autres, avec le camarade Stéphane, une émission entière dédiée au mouvement Rock in Opposition qui s'appelait La Nuit du Rock in Opposition, que vous pouvez écouter dans nos podcasts et qu'on recommande particulièrement. C'était pas mal à attarder sur les cinq fondateurs de ce mouvement-là. Ah oui. Et Étrofou le loup blanc, ouais, bah, c'est peu dire que c'est vraiment un groupe qui a un son bien à lui, bien particulier, une façon d'écrire, une façon de composer qui est assez indéfinissable. Ferdinand Richard là, qui joue de la basse dans ce groupe, il s'accorde en mi bémol, voilà, d'après ce que j'ai pu dire. Je trouvais qu'il avait un son particulier, ce moi qui joue un peu de basse, je trouve qu'il a un son vraiment étrange. Donc ouais, d'accord, un demi-ton. Voilà, c'est ça, un ton et demi d'après ce que j'ai vu, un ton et demi en dessous de la normale. Bon, on va pas chipoter, mais c'est pas mi bémol. J'ai vu ça sur Internet, hein, ça vaut ce que ça vaut. Ok, ouais, alors Internet, non, mi bémol, c'est pas, vu que la corde est à vide, c'est pas possible. D'accord. Mi bémol, c'est juste un demi-ton. Bref, peu importe, on va pas faire les chipoteurs. J'ai beaucoup aimé ton anecdote sur Christian Vander et le solo de batterie, là, parce que son solo de batterie, je voulais le dire tout à l'heure, c'était très cartoonesque, des choses que ne fait pas du tout Christian Vander, c'est très martial, ça... Ça en fout partout, bon, ok. C'est un peu ce que je... En plus, tu me sers une transition toute trouvée, mais c'est aussi ce que je voulais dire par rapport au son particulier qu'a ce groupe-là, par rapport à d'autres groupes de l'époque. C'est ce batteur, Guigou Chenevier, qui est, comme on a très bien pu l'entendre dans Solo, qui est un batteur qui travaille beaucoup sur le côté mélodique de la batterie, plutôt que sur le côté rythmique. Et ça s'entend vachement aussi dans le son de Étrofou le loup blanc, et dans toutes les œuvres de Guigou Chenevier. Ouais, vraiment, je vous recommande non seulement tous les albums d'Étrofou, mais tout ce qu'a pu faire Guigou Chenevier par la suite, parce que ouais, toujours un peu cette façon de jouer et de composer là, notamment le groupe Volapük, qui est une petite merveille, entre autres, et d'autres projets qu'il a pu faire par la suite, je ne les ai pas tous en tête, mais voilà, dès qu'il y a Guigou Chenevier quelque part, ça vaut carrément le coup d'oreille. Il joue toujours de la musique, du reste, donc n'hésitez pas à aller le voir si ce produit... s'il se produit quelque part, on espère un jour le faire venir à Toulouse. Enfin, toujours est-il que, voilà. Et Ferdinand Richard aussi, on ne l'a pas entendu sur le morceau précédent. Il a aussi une façon d'écrire vraiment bien à lui. Je parle en termes de poésie. Il sortira 2-3 albums solo qui sont des petites merveilles. Il y a un album duo très marrant avec Fred Friis, notamment. Pas mal de choses. Et par la suite, c'est Ferdinand Richard qui va monter le Mimi Festival à Marseille. Et l'association AMI, qui est des gens qui ont beaucoup œuvré pour la suite et la pérennité de ces musiques, justement, In Opposition, en parallèle avec le festival de Michel Bessette, avec qui ils n'étaient pas très potes parce qu'ils ne voulaient pas trop que le nom Rock In Opposition sorte de l'histoire. Mais je me perds en anecdote, mais Étrofou le loup blanc, c'est vraiment un petit groupe, un groupe magistral, et on recommande particulièrement l'écoute, et pour le plaisir, voilà. Parce que ça fait plaisir, un petit dernier morceau d'Étrofou le loup blanc. Celui-là, je l'ai amené, alors j'ai pas respecté les règles du jeu parce que je suis allé plus loin que 79, donc c'est pas en écoutant ça que Stephen Stapleton s'est dit « je vais rajouter Étrofou le loup blanc à ma liste ». C'est plutôt les deux albums précédents que nous a fait écouter Nico. Là, on est en 82, l'album c'est « Les poumons gonflés », le morceau s'appelle « Patsou ». Je voulais t'acheter un bouquet de fleurs pour faire plaisir à ton 4 heures. Au lieu des fleurs, ce furent des pleurs. Moi, j'en avais gros sur le cœur. On a fini par se disputer. On a crié. On a pleuré. On a pesté. Pas le sou, rire, on pas assez, pauvre chou. Pour les bonbons, et bien j'ai fait Tintin. On va craquer un de ces matins, à jamais rien pouvoir se payer. Tout juste notre tête et notre loyer. Y'a sûrement quelque chose à faire pour échapper à cette misère. Quand on n'a pas le sou, pas le sou, pas le sou, on n'a pas le sou, pas le sou, pas le sou. Rire, on compte tout le temps, on se prive de tout, on a du mal à s'en sortir. Quand on n'a pas le sou, pas le sou, pas le sou, on n'a pas le sou. Balsou, balsou, rire, on compte tout le temps, on se prive de tout, on a du mal à s'en sortir. Balsou, c'était Escroful Loup Blanc. C'est bon. Ouais, on est en 82, c'est l'album les poumons gonflés. C'est vrai que je me suis arrêté particulièrement sur Guy Gouchelvier, sur Ferdinand Richard pour définir le son de ce groupe, parce que ce sont les deux membres qui ont en commun sur les deux premiers albums. Mais c'est vrai que l'arrivée de Joe Tirion sur cet album-là, là, les poumons gonflés, ça rajoute justement une espèce de... Ouais, une ampleur supplémentaire, comme disait Guénaud. Ils occupent un petit peu plus l'espace, il y a un petit peu moins ce son un peu brut qu'il y avait dans les deux premiers albums. Et ouais, je recommande particulièrement toute cette période-là, justement, où vraiment Joe Tirion en clavier ou d'autres instruments, elle rajoute vraiment du chant à cette musique et à ces très beaux textes. Et quand tu aimes bien Guy Gouchelvier, je peux aussi conseiller d'écouter une émission que j'ai réalisée en 2017 avec lui. Il est venu à Bruxelles et on a fait ensemble une émission. Donc là, il y a le podcast que tu peux trouver sur l'émission de Radio Panique qui s'appelle « Mokrels Law ». Eh bien, merci. Ouais, et j'y manquerai pas, carrément. Eh bien, voilà pour Étranfou le loup blanc. Hein, c'est moi qui reprend la main et qui nous renvoie en Allemagne. Chouette, c'est un peu la thématique ce soir. Mais cela dit, je vous rassure d'emblée, y compris mes camarades en face, on ne peut pas vraiment parler de krautrock pour ce qu'on va écouter là. Encore qu'il y en a un petit peu, mais non, pas trop. Ça fait une petite synthèse de choses qu'on a entendues tout à l'heure, c'est ça qui est chouette. Alors donc, Eroc, de son nom, E-R-O-C. Eroc, c'est Joachim Heinz Ehrig, qui est né le 15 novembre 1951. Je lis un peu des fiches. C'est quelqu'un qui a une grande ambition dans la vie d'entrée, c'est de devenir technicien de laboratoire chimique, c'est sa grosse obsession. Mais finalement, à 15 ans, il devient plutôt batteur. Il forme son groupe The Crew, qui sort quelques singles, voilà, qui n'ont pas plus d'écho que ça, mais Eroc rencontre la gloire avec le groupe Gropschnitt, dont il est le batteur, mais aussi le leader de 1970 jusqu'à son départ en 83. Le groupe continuera sans lui. Et Gropschnitt, je ne sais pas si vous connaissez les copains, mais c'est quand même une espèce de grosse institution dans la musique krautrock, justement, allemande, progressive de ces années-là. Ah non, je ne sais pas. Ben, c'est un groupe qui mélange justement cette musique krautrock avec un espèce de théâtre burlesque. C'est des espèces de concerts qui durent à peu près 3 heures. Donc il y a de la comédie, il y a de la musique. Enfin, c'est des choses assez pluridisciplinaires, comme il devait dire à l'époque s'il cherchait des subs. En tout cas, ouais, c'était vraiment un projet comme ça. Donc à l'écoute, moi je n'ai jamais trop flashé sur ce groupe-là, mais apparemment sur scène, ça valait vraiment le coup, quoi. Il y a toute une dimension théâtrale qui était assez intéressante. Toujours est-il que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vraiment un groupe qui a claqué dans les années 70 jusqu'aux années 80. Je crois qu'ils ont arrêté dans les années 90, mais peut-être que Nico t'en sais un peu plus sur Gropschnitt. Non, c'est comme tu disais, c'est un peu, je pense, un peu trop populaire dans ouais. ce sens-là. Oui, là, on est complètement d'accord sur l'histoire qualitative. En tout cas, c'est vraiment ce groupe-là qui permet donc à Joachim Heinz Ehrig de devenir Eroc, si j'ose dire, et donc du coup de percer sur cette scène-là. Et en fait, ce gars-là, depuis le début des années 70, il écrivait aussi pour lui-même un peu sa propre musique, ou des choses de sa composition où il alternait les instruments, faisait de la guitare, du sax, des claviers et bien sûr de la batterie pour écrire un peu sa propre musique. Il y a un de ses potes qui a dit non mais c'est mortel ça, il faut que tu l'édites. Et du coup, en pleine période de gloire justement avec Grobschnitt, il sort son premier album, donc E-Rock. On est en 1975 et ça sort sous le label Brain. Cet album s'appelle E-Rock, mais par la suite il sera renommé Ein, puisque les albums suivants, c'est Zwei, Drei, enfin voilà, ce sont des numéros. Enfin, le projet il l'a eu à partir du deuxième, mais du coup le premier album, terminé l'album éponyme, il va s'appeler Ein. Donc voilà, maintenant cet album vous le trouverez sous le nom de Ein. Et la musique de E-Rock, il y a pas mal de choses, ce qui est assez intéressant. Il y a pas mal de musique cosmique, il y a de la musique progressive, il y a un peu de bidouillage et du collage, il y a un petit peu de folk, il y a plusieurs choses à voir et à manger dans cet album-là, qui en fait un peu sa richesse. Alors les morceaux les plus longs, justement, qui s'orientent uniquement sur une de ces choses-là, une de ces trames-là, c'est pas ce que j'ai préféré, mais par contre, ouais, il y a des bons enchaînements d'ambiance dans cet album-là, il est assez bien fichu pour ça. Je vais essayer de vous en faire une petite preuve. On va s'enchaîner donc 4 morceaux, boum, allez, sans pitié. Bon, je vous rassure, ils ne sont pas tous extrêmement longs. 4 morceaux donc, de cet album de E-Rock. Donc, le premier, c'est Des Zauberers Traum. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est un morceau qui, pour le coup, là, c'est plus pour vous illustrer le côté progressif, un tantinet cosmique de l'œuvre du monsieur. Ensuite, il y a une petite interlude parlée, et ça, c'est une redondance qu'on retrouve dans tous les albums d'E-Rock. Il y a souvent des petits morceaux comme ça de 30, 40 secondes, 1 minute 20 qui sont des dialogues ou des gens qui disent des trucs en allemand que je ne peux pas vous traduire. Le morceau suivant, j'ai pensé un peu à toi, Guéno, Die Musik von Holberg. Qui me fait vaguement un poil penser à Guess What. Donc, quand je pense à Guess What, je pense à toi, tu me diras ce que t'en penses. Et on se terminera par le morceau Chaotic Reaction. Je vais juste préciser que ce qu'on va écouter là, c'est issu d'une réédition en 2005. Donc, il n'y a pas que des morceaux qui sont dans la version originale, pas que des morceaux donc, qu'ont entendu Stephen Stapleton. Mais cette version de 2005, en fait, c'est l'album tel qu'il avait été conçu par E-Rock, et du coup ils ont dit non, on fait juste un 33 tours, donc c'est pour ça qu'il y a eu cette version qui est sortie dans les années 70. Là en 2005, le gars a pu se faire plaisir de remonter l'album tel qu'il avait écrit. Donc voilà, il y a 2 morceaux qu'on va écouter qui n'étaient pas sortis à l'époque mais qui faisaient partie de l'œuvre. Donc je trouvais ça intéressant de s'écouter, surtout d'affilée, pour voir un peu ce que racontent les ambiances de ce cher E-Rock. Allez, je laisse place à la musique. Aber ich mache eine Nachtwanderung. Ich kann mich noch genau erinnern, ihr beide seid verschwunden da in der Dunkelheit. Ja, weißt du noch? War ihr wart doch weg, oder nicht? Ja, sagt doch ehrlich. Wir waren weg. Wart ihr nicht links? Was im Sinne des Wortes? Wart ihr nicht links irgendwo hochgegangen? Also ja, steilen Weg. Ja. Da war dann runter. Da hat man nichts mehr gesehen. Man sah nur noch so kurze Wege und dann kam Bäume und dann war dunkel. Ja, dann war es also als wenn es im Himmel reinging oder sowas da irgendwie. War abgerundet. Ich stand da und kann nicht weiter. Sie verstehen, ich kann überhaupt nicht weiter. Ich hab immer geguckt, wo ihr wart. Alter, wart weg oder sowas. Segen dir oder sowas. Ich hab nichts mehr gesehen da, ehrlich. Ich wollte immer nach, aber ich wusste ja auch nicht, wo ihr wart. Einmal können wir noch kurz einen trinken? We'll be right back. Voilà, c'était Herok. On vient d'écouter donc quatre titres enchaînés de son premier album, Ein. Donc, que dire de plus ? Bah, comme je vous le précisais, c'est ce qu'on vient d'écouter, c'est l'album tel qu'il avait été écrit par Herok et pas tel qu'il est sorti à l'époque. Certains morceaux avaient sauté. Donc, ce tout dernier morceau, qui est assez surprenant parce que c'est celui qui a les ambiances les plus Nurse-Wiswoundiennes, si j'ose dire. Enfin, il a vraiment cherché un petit peu du côté de la noise par moment et pour le coup, bah non, ils n'ont pas entendu, Stephen Stapleton n'a pas entendu ce morceau-là, puisque ça ne se jouait pas en live, et que donc, à moins qu'ils connaissent bien Herok et qu'il lui a filé les bandes. En tout cas, voilà, musique cosmique par moment, beaucoup de dialogues en allemand, des petits thèmes sautillants de temps en temps, et de la noise quand il y a le temps. Voilà, c'est comme ça que je définirais ce premier album de Herok, qui s'appelle Ein. Par la suite, donc, il sort un Zwei, Tri, etc., etc. Le Zwei, je l'ai écouté, là, pour le coup, il y a tout un côté... ouais, déjà, il faut comprendre l'allemand, et encore, je ne suis pas sûr qu'en comprenant, ce soit vraiment intéressant, mais il y a vachement de dialogues, de trucs un peu plus burlesques, il est peut-être moins intéressant que celui-là. J'avais choisi un morceau, mais on l'écoutera peut-être en fin d'émission. Voilà, petit morceau bien joli, un petit peu planant, avec un enfant qui parle en allemand pendant 6 minutes. Je suis sûr que vous allez adorer. Et on se l'écoutera en fin d'émission, parce que là, je voulais laisser la parole à Guéno, qui nous présente le dernier groupe du soir. Oui. Alors, c'est le dernier E du soir, donc Eilif, E-I-L-I-2-F. Donc, comme pas mal de groupes, quand même, de cette Nurse-Wiswoundienne ou de cette époque, en tout cas, donc ils font pas long feu. Ils font pas long feu, donc pour des Allemands, c'est pas plus mal. Mais du coup, voilà, c'est de 70 à 73. Et voilà, ça c'est fait. Des propos d'engage que toi. Ben oui, clairement. Je suis. D'ailleurs, je tenais à saluer la. Oh, et puis en plus, c'est des groupes allemands de cette époque qu'on fait long feu, et tant mieux. Ben oui, oui voilà. Bien sûr. Oui. Ah, ben, c'est juste... On m'en cite souvent ici, d'ailleurs. Voilà. Donc, je tenais à remercier Total qui me subventionne pour cette sortie. Donc, basé à Cologne, essentiellement, donc un groupe un peu communautaire, comme on a vu. Pas mal dans ces groupes de crotrock, c'est-à-dire c'est un peu une effervescence qui se concentre. Le feu, enfin. Ouais, voilà. Qui se concentre. Et voilà. qui se cantonne, donc ça devient un petit con. Je sens qu'on te perd. Donc, tu nous parlais de Eilif. Oui, voilà le dernier groupe représentant. Un shampoing aux plantes. Voilà. Eilif, donc groupe allemand de quelle année d'ailleurs bah, entre 70 et 73. Donc, ah oui. Ils ont fait deux albums. Le premier éponyme, le second qui s'appelle Girls. C'est assez dur à prononcer. G-I-R-L. Comme Girls, mais en fait il rajoute un R, un L et un S après, donc c'est Girls. Et ensuite il y a un album live, et enfin il y a eu un dernier album qui a été ressorti 40 ans après. Donc ça doit être un peu des phases B, comme on dit, qui ont été ressorties au début des années 2000. Donc pour ce groupe qui était voilà. Qui a fait 2-3 albums de fin 60 à 73-74, ouais, voilà. Et donc ils sont 5. Donc il y a, alors moi je connaissais pas du tout les gens qui jouent dedans, mais il y a quand même un guitariste, alors peut-être que vous connaissez, Manu et allez, Stéphane. Dis-nous qui c'est. Alors il s'appelle Ao Chang Neja Depour. Il a joué dans Kraftwerk et dans Guru Guru, okay. Qui font tous les deux partie donc, de la Nurse-Wiswoundienne, Kraftwerk et Guru Guru, et qu'on va du coup avoir, enfin, on va être amené à les écouter dans les prochaines semaines, a priori, parce que le... Donc, Ao Chang. Alors, et puis deux groupes aussi qui n'étaient pas... Neja Depour, ça c'est le nom du guitariste, donc Kraftwerk. Okay. Ouais, qui joue quand même dans deux groupes, en dehors du fait qu'on va en parler, hyper connus de l'époque, quoi. Enfin, hyper connus, exactement. Ok. hyper connu. Et voilà, il a été, après, c'était pas un membre fondateur, mais il a été. Il a joué quand même. Il a joué avec eux, quoi. Il est connu pour ça. Et non, aussi, j'ai cité son seul nom parce qu'il joue de la sitar aussi. Et comme son patronyme peut l'indiquer, ben voilà, il n'est pas juste allemand. Et du coup, voilà, il joue de la sitar, donc il a des origines indiennes ou pakistanaises, en tout cas anciennement anglo-saxonnes. Et voilà, donc alors, l'album là que j'ai, qui est éponyme, que j'ai choisi dont j'ai pris la chanson, je galère, excusez-moi, messieurs, dames. C'est l'album éponyme, donc Eilif, qui est de 71, le premier album. Et donc il y avait 4 morceaux. Donc il y avait 2 morceaux qui sont très très krautrock. Il y a un sax, un clavier, une basse, une guitare et une batterie. Ça rend très très krautrock, comme ceux on n'aime pas trop, comme ceux dont la BBC ou le magazine anglais pourrait cracher dessus. Mais dans ce quatrième morceau, Suite, qui dure 20 minutes, bah là, il y a une petite. Déjà, le riff me plaît. Donc, ça paraît bête, mais bon, si le riff de base, si la basse est bonne, ouais, ça change un peu la donne, on va dire, en tout cas pour moi. Même si du sax et la guitare un peu friolante se greffent dessus, allez, ça passe, parce que le riff est bon. Et surtout, il y a une petite interlude comme ça, un peu ni vu ni connu, qui tombe comme ça, qui tombe du ciel, où il y a la sitar. Parce que donc, je vous parlais de ce. J'aime ça, j'ai remarqué cette émission. Oui, vraiment. C'est une interlude dans le folk hippie. Il est 23h. Il est 23h10 oui. Bientôt, c'est 8. Dommage qu'on diffuse ça si tard. Ah putain. Voilà. Pardon. Ouais. On en repassera en plein jour. Oui. Donc, tu nous fais envie. Un morceau 20 minutes, là. Ouais, parce qu'on a largement dépassé. On va peut-être l'envoyer dans pas longtemps. Là. Ben, je pense que je te laisse tonner le... Moi, je sais pas. Le départ. J'ai pas de drapeau. Alors, le morceau s'appelle Suite, donc de l'album Eilif, du groupe Eilif, donc du groupe Eilif, mais de l'album éponyme Eilif. Ah. We'll be right back.

Et hop, c'est sur la fin de cette suite de Eilif que s'achève cette émission de Vraiment Autre Chose. Stéphane, tu avais une remarque à faire par rapport à cette suite de Eilif. Bah, à un moment, il y avait un passage de Frank Zappa, c'est tout. Bon, je fais cette remarque quand il y a eu le passage. J'ai fait, c'est Frank Zappa. C'est sur l'album Ahead of Their Time. Je ne me souviens plus quel est l'extrait de ce court morceau, mais c'était Frank Zappa, j'en suis sûr. Voilà. D'ailleurs, je vous le passerai un de ces jours. Et Nico, t'es toujours là ? Oui, je suis encore toujours là. Ah, tout va bien ? Il pleut pas chez toi ? Je pense que c'est maintenant fini, mais avant, oui, c'est ici, on va prendre la saucée en sortant du studio, peut-être. On ne sait pas, on est dans une cave et ça fait peur. Ok. T'es venu en bateau ? Ouais, on aurait dû. Bon, ça va, ça vous a plu l'émission, les copains ? Il y a des trucs que vous avez kiffés ? Ben ouais, c'était fort sympathique. Musicalement, d'entendre encore Étron Fou Loulou Blanc. Ex Magma, je connaissais pas il y a quelques jours. J'ai bien kiffé d'écouter ça. Et voilà, la musique de Guéno avec ses folk et space. Mais surtout le précédent que tu nous as rendu. MTA, toujours des noms un peu étranges. Très bien, voilà. Okay. Bon moment. En votre compagnie. Ouais, c'est très agréable. Nico, ça va? T'as passé une bonne soirée? Absolument, toujours avec vous. Hein. Ciao. Et on en profite pour dire au revoir à Guénolé, qui a donc respecté la règle de tu amènes un morceau long, tu restes jusqu'au bout du morceau. Et bonne fin de soirée, Guéno, surtout merci de venir, il bosse tôt demain, enfin, c'est vraiment chouette. Et donc, c'est le générique de fin d'émission, nous allons nous livrer à l'interminable récapitulatif de fin d'émission. Oui. Là, vous n'ayez pas bien suivi ce qu'on vous a passé, raconté, etc. Donc on a commencé avec un titre de Wolfgang Dauner, du Wolfgang Dauner Quintet, My Mind Goes Now. Et ensuite on a entendu deux versions, donc retrafiquées, réinterprétées, donc à la sauce, Nurse with Wound, puisque c'est de eux qu'il est question depuis le début là, de la Nurse with Wound list. Donc ils n'ont pas contenté de livrer les noms de groupes qui les avaient inspirés, parfois ils s'en sont complètement inspirés, ils ont carrément retravaillé des morceaux. C'est pas la première fois que Nico se livre à cet exercice de voici la version originale et voici la version de Nurse with Wound. Voilà, donc un titre de Wolfgang Dauner, deux leçons de montage, de réinterprétation, de, de réécriture. C'est comme ça qu'on a ouvert cette soirée, cette 182e émission de Vraiment Autre Chose. Ensuite, c'est Guéno. Il n'est plus là pour nous rappeler qu'il nous a fait écouter deux titres de MTD, E-M-T-I-D-I, MTD, donc Let the Joint Go Round, et ensuite Touch the Sun. Touch the Sun, oui. Et après, c'était moi qui ai passé Ex Magma avec l'album éponyme Two Times. On a écouté ce titre-là. Puis, issu de Gold Bowl en 1974, Marilyn F. Kennedy, 25 Seconds Before Sunrise and Groove Tango Valparaiso. Tout simplement. Bien. Et ensuite, t'as passé Étron Fou Loulou Blanc. Oui, tout à fait. Le seul groupe français cette fois-ci, parce que les autres ont choisi plutôt les groupes allemands. Donc, on s'est mis le challenge. De présenter les Français. Donc, on a entendu deux morceaux. Le premier était de leur premier album, et le morceau s'appelait Sololo Brigida, de l'album de Pat Delache, qui était sorti en 1976. Et ensuite, il y a eu le morceau L'extravagante montée des ascenseurs. Nous resterons fidèles à notre calme détermination. Ça venait de l'album Les Trois Fous Perdés Gagnants au pays de, et qui était sorti en 1978. Et on a aussi écouté un morceau tiré de Les Poumons Gonflés en 1982, toujours des Étron Fou Loulou Blanc, et le titre c'était Palsou. Ensuite, je vous ai parlé de Erok. J'avais prévu de vous parler des deux premiers albums, mais je me suis attardé du coup sur l'album éponyme, puis devenu plus tard l'album Ein. On a écouté quatre titres enchaînés, donc de la version de la ressortie qu'il y a eu en 2005 de cet album-là. Donc on a pu l'écouter tel qu'il avait été écrit par le musicien et pas tel qu'il est sorti à l'époque, pour être précis. Je tiens cette précision. Donc on a écouté quatre titres enchaînés. Des Zauber Traum, Tony Molf Molo, Die Musik von Holberg et Chaotic Reaction. Et voilà, par la suite, Eilif. Et avant de partir, Eilif, oui, je ne sais plus le titre. Suite, tout bêtement. Voilà, ah bah oui. Carrément. Eh ben, ce fut ma foi une émission belle, fort belle et bien riche, hein, sans se livrer à de l'auto-flagornation, mais c'était quand même bien. On passe une bonne soirée. Oui. Et on se retrouve la semaine prochaine. Donc voilà, si vous nous écoutez sur Radio, on se retrouve le 16 septembre 2021. Si vous nous écoutez sur Bram FM, alors là déjà, il doit être un peu tard. Merci de rester jusqu'au bout. Et vous nous retrouverez dans 15 jours, voilà, avec probablement la suite de cette exploration. On passe à la lettre F, il y a une quinzaine de projets de musiciens passionnants. On va bien se régaler dès la semaine prochaine. D'ici là, Steph, merci encore. Toujours un plaisir. Merci à toi et merci à Nico de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout, comme tu as dit. Et peut-être la semaine prochaine ou je ne sais pas. Sinon, à bientôt, en tous les cas. Ça, c'est sûr. Et d'ici là, portez-vous bien. Tout à fait. Je suis aussi content et je suis déjà impatient pour la lettre suivante, parce qu'il y a le F et là il y a des groupes que j'adore vraiment. Donc j'espère que la semaine passe très vite pour lancer cette émission-là. Eh ben ouais, vivement que la semaine passe. Alors bonne fin de soirée à tous. Vous pouvez rester à l'antenne sur Radio si vous nous écoutez en direct. Je dis ça parce que je vois le programme en fait. Là, on va rendre l'antenne. Bah, figurez-vous qu'on va rendre l'antenne sur un titre du Wolfgang Dauner Quintet qui était prévu dans le robot de Radio. Ça fait bien les choses. Et du coup, on va vraiment continuer à s'attarder sur l'œuvre de ce monsieur. Tant mieux. Et alors, par la suite, qu'est-ce que je vois ? Il y a du Heartburst, Carla Kilstel, Interférence Sardine. Il y a des choses très très belles qui vont passer sur les ondes de Radio. Donc vous pouvez rester à l'antenne si vous n'écoutez plus vraiment autre chose. De toute façon, vous restez à l'antenne ou vous restez pas à l'antenne. En tout cas, à partir de maintenant, vous n'écoutez plus vraiment autre chose. Bonne nuit. Ciao, bye bye. Ciao.